32. La révolte des cerveaux. Lu par François Chenel. La révolte des cerveaux. Le milieu scientifique a très vite compris l'intérêt des sciences Creative Commons. La science ouverte, fondée sur la coopération et le partage, a longtemps buté sur une limite à ses principes. Si les travaux des chercheurs sont en libre accès, les revues qui les publient sont protégées par le droit d'auteur. Pour un scientifique, pas de carrière sans Nature, The New England Journal of Medicine ou Cell, qui sont la propriété d'éditeurs et donc payantes, même dans leur version en ligne. Cette situation est un héritage du passé. Le monde académique, ne pouvant organiser un système mondial de diffusion des publications, les éditeurs s'en sont chargés au détriment de la libre circulation. L'abonnement est facturé très cher aux bibliothèques des universités alors que leurs coûts de conception sont très bas. Une situation absurde selon le biologiste Mark Patterson. Les auteurs fournissent aux éditeurs leur contenu pour rien. Les éditeurs les envoient à la communauté scientifique pour que le contrôle de qualité soit réalisé par les pairs. Là encore, pour rien. Et à la fin, les éditeurs revendent le même contenu aux chercheurs qui leur ont fourni. La banalisation de l'Internet va susciter une révolte des cerveaux, qui supportent, de moins en moins, d'enrichir les groupes diffuseurs de leurs publications, alors même que le réseau laisse espérer un accès gratuit et efficace. En octobre 2000, la Fronde s'organise autour d'une pétition signée entre autres par le prix Nobel, ex-directeur des National Institutes of Health américains, Harold Varmus. La revendication semble raisonnable. Les signataires demandent aux revues d'ouvrir leurs archives en ligne 6 mois après la publication. Le texte réunit bientôt plus de 30 000 signatures de chercheurs de 180 pays, mais sans résultat. Les éditeurs ayant mobilisé tout leur relais politique pour faire échouer le projet. Je cite, « Les gens du Congrès, qui étaient mes amis, voulaient que j'explique ma position parce que les lobbyistes, des éditeurs, leur disaient que je voulais détruire l'économie capitaliste », raconte Varmus, qui justifie son engagement tant d'un point de vue économique, les travaux publiés étant majorité financés par des fonds publics, que d'un point de vue éthique, la gratuité étant le seul moyen pour les universités mal dotées de se maintenir au niveau de la recherche mondiale. L'échec de cette première tentative nourrira la réflexion des promoteurs de revues scientifiques en libre accès qui en arriveront à la conclusion de Stallman ou Lessig « Si les propriétaires ne veulent rien lâcher, il faut se passer d'eux ». Varmus et un groupe de chercheurs volontaires s'y engageront en fondant la première revue scientifique gratuite sur les décombres de la Public Library of Science, PLOS, le site qui à l'origine devait accueillir les articles cédés par les éditeurs. Sans les revenus issus des abonnements, le modèle économique de la revue sera fondé sur la contribution directe des chercheurs publiés. Pour Varmus, ce n'est pas un obstacle. De toute façon, l'argent dépensé par les labos pour ces publications mutualisées devrait être économisé à terme sur le prix des abonnements. En octobre 2003, la naissance du premier numéro de PLOS Biology est saluée dans le monde entier. L'un des articles relatant comment un biologiste est parvenu à faire manipuler un ordinateur à un singe en se servant simplement des ondes cérébrales est reconnu comme d'une très grande qualité. Celui-ci, comme tous les autres, est couvert par une licence Creative Commons.